Si le corps n'est qu'un mot de papier, une chair à user, si l'âme se défend comme un switch électrique qu'on claque, alors nu grand message se le défeuillera sur les stèles un peu singes qui rappellent leur image.